bonsoir, Tom. Est-ce que tu es capable de jouer The Great Pretender de Queen? Mais je sais pas comment on fait le BPI. La note quoi. Après, je sais pas comment on peut le jouer sur le nombre de mesures. Oh yes! Oh yes! C'est pour la tonalité, tu vois. Oh yes! I'm the great pretender. Personne ne peut me jouer au piano. C'est pas du 4-4 ça. C'est du 3-4 ça, non? Oh. Ma mère, j'ai plus la tonalité. You left me to dream all alone. on va arrêter, hein. On va laisser tomber. On va laisser tomber. J'ai enregistré quand j'étais...